À fond, ouais. Ouais. Bon. Une autre façon de l'exprimer. Mais je vais pas raconter ma vie et c'est car tout est enregistré. Je suis tombée sur un truc de ouf. Si, je te confirme. Thank you.